quelque chose dans mon cœur me parle de ma vie. Entre un grand mystère qui commence et l'enfance qui finit, quelque chose dans mon cœur fait craquer ma vie. Une drôle d'envie, une impatience et la peur que j'oublie. Quelque chose dans mon cœur me parle de...